La princesse de Clèves. La princesse de Clèves est un roman de Madame de Lafayette, d'abord publié anonymement en 1678. Le roman prend pour cadre la vie à la cour des Valois, dans les dernières années du règne de Henri II, comme l'indique le narrateur dans les premières lignes du récit. Il peut donc être défini comme un roman historique, même s'il inaugure par bien des aspects, souci de vraisemblance, construction rigoureuse, introspection des personnages, la tradition du roman d'analyse. C'est en effet un des premiers romans dits psychologiques, ce qui contribue à sa modernité. Il est écrit dans le style de la littérature du XVIIe siècle, donc sa lecture et son écoute doivent se faire dans l'ambiance de ce style littéraire, utilisation fréquente des formes du subjonctif. Il raconte la vie de Mademoiselle de Chartres, qui épouse le prince de Clèves sans passion. Puis, avec les jeux de cour, naît une passion partagée pour Monsieur de Nemours. Mais cette passion, par bienséance, ne peut être avouée ni par l'une ni par l'autre. Elle reste connue des deux partenaires, mais vit, pour ainsi dire, à l'état d'un fantôme que l'on a peur de reconnaître. L'originalité et l'intérêt de ce roman et qu'il nous fait parcourir ce duel de sentiments dans le style très pudique et recherché de la langue française à cette époque. La princesse de Clèves témoigne également du rôle important joué par les femmes en littérature et dans la vie culturelle du XVIIe siècle, marqué par le courant de la préciosité. Madame de Lafayette avait fréquenté avant son mariage le salon de la marquise de Rambouillet et, comme son amie Madame de Sévigné, faisait partie du cercle littéraire de Madeleine de Scudéry, dont elle admirait les œuvres. Auteur du roman Madame de Lafayette. Édition Rombaldi, 1969. Collection Le Club des Classiques. Ce livre est lu pour audiocité net. Temps d'écoute approximative, 5h45.